mal comme ça, je brise des cœurs à mon insu. À vrai dire, j'ai la rétine. Tu veux la rose, est-ce que t'assumeras les épines? Je n'ai pas besoin d'allier, ils veulent tous se marier. Mais moi je pense qu'à faire de l'argent, donc je remplis le barillet. À la fin tu seras perdant, je suis prête à parier. J'ai su faire cœur ouvert, moins forte en amour qu'en adultère. Solitaire, j'essaie de garder les pieds sur terre. Je fais plus dans le détail, des salauds j'en ai connu trop. Faut que tu t'en ailles, des délits j'en ai commis trop. Je m'en fous de ta maille, j'espère que t'es au niveau. Si tu me fais du sale, je peux finir au comico. Comico, comico, comico, je peux finir au comico. Comico, comico, comico, je peux finir au comico. Je me repasse des extraits. Non, je l'ai pas fait exprès. Je te pousse à l'excès. Non, je l'ai pas fait exprès. Pour moi, tu fais chauffer la visa, mais tu lui dis pas. Sur ton écran, y'a plus qu'à Lisa. Tu parles de couple, j'ai jamais dit ça. Quoi que je te dise, ça t'ira. Hasta la vista. J'ai su faire cœur ouvert, moins forte en amour qu'en adultère. Solitaire, j'essaie de garder les pieds sur terre. Je fais plus dans le détail, des salauds j'en ai connu trop. Faut que tu t'en ailles, des délits j'en ai commis trop. Je m'en fous de ta maille, j'espère que t'es au niveau. Si tu me fais du sale, je peux finir au comico. Comico, comico, comico, je peux finir au comico. Comico, comico, comico, je peux finir au comico. Dans le détail, des salauds j'en ai connu trop. Faut que tu t'en ailles, des délits j'en ai commis trop. Je m'en fous de ta maille, j'espère que t'es au niveau. Si tu me fais du sale, je peux finir au comico. Comico, comico, comico, je peux finir au comico.